Et voilà, Neil Young sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 12 novembre 1945. Naissance de Neil Young, chanteur canadien, 1947. Naissance de Patrice Lecomte, cinéaste français à qui l'on doit les bronzés font du ski, les bronzés 3, amis pour la vie. Viens chez moi, j'habite chez une copine, ou encore ma femme s'appelle Reviens. 1951, naissance de Patrick Sabatier, animateur télé français. 1956, naissance de Stevie Young, musicien australien, pardon, guitariste du groupe AC/DC. 1958, naissance de Megan Mullally, actrice américaine connue pour son rôle de Karen Walker dans la série télé Will et Grace. 1973, naissance de Radha Mitchell, actrice américaine vue dans Fun Game dans le rôle de Kelly Shepard, Man on Fire, la chute de la Maison Blanche, ainsi que la suite La chute de Londres dans le rôle de Léa. 1975, naissance d'Angela Watson, actrice américaine connue pour son rôle de Karen Foster dans la série télé Notre belle famille. 1979, naissance de Côté des Pablo, actrice américaine connue pour son rôle de l'agent spécial Ziva David dans la série télé NCIS Enquête spéciale. 1980, naissance de Ryan Gosling, acteur canadien vu dans N'oublie jamais dans le rôle de Noah Calhoun, Blue Valentine dans le rôle de Dean Pereira, où il est également producteur exécutif. Les marches du pouvoir de George Clooney dans le rôle de Stephen Myers. La La Land dans le rôle de Sébastien, récompensé par le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie. Vu plus récemment dans Blade Runner 2049 dans le rôle de Joe, l'officier K du LAPD. Ou encore First Man, le premier homme sur la Lune. Il doit d'ailleurs être encore au cinéma où il interprète le rôle de Neil Armstrong, où il est également producteur exécutif. Et on avait pu le voir à la télé dans la série Hercule contre Arès, dans le rôle d'Hercule, et les producteurs, réalisateurs et scénaristes du film Lost River. 1982, naissance d'Anna Taoué, actrice américaine vue dans Princesse malgré elle, ainsi que la suite Un mariage de princesse dans le rôle de Mia Thermopolis. Vue également dans Le secret de Brokeback Mountain dans le rôle de Lerene Newsom, Le diable s'habille en Prada dans le rôle d'Andy Satch, Meilleur ennemi, Valentine's Day, Alice au pays des merveilles, ainsi que Alice de l'autre côté du miroir dans le rôle de la Reine Blanche, The Dark Knight Rises dans le rôle de Selina Kyle alias Catwoman, Les Misérables dans le rôle de Fantine, récompensée par le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Vu également dans Interstellar dans le rôle d'Amelia Brand, Ocean's 8 dans le rôle de Daphne Kluger, ou encore la série télé La Famille Green dans le rôle de Megan Green. 1990, naissance de Florent Manaudou, nageur français qui a pris sa retraite en natation. Pour l'instant, il s'est reconverti dans le monde du handball. Alors en natation, il est récompensé aux Jeux Olympiques par une médaille d'or et deux d'argent. Championnat du monde grand bassin, 4 médailles d'or. Au petit bassin, 3 médailles d'or. Médaille d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. Championnat d'Europe, grand bassin, 6 médailles d'or et 1 d'argent. En petit bassin, 5 médailles d'or. Et au championnat de France, 22 médailles d'or, 7 d'argent et 6 de bronze. Et enfin, on termine en 1995 avec la naissance de Thomas Lemar, footballeur français, qui a joué de 2013 à 2015 à Caen, de 2015 à 2018 à Monaco. Et depuis cette saison, il joue à l'Atlético Madrid. Allez, nouvelle pause musicale avec AC/DC et leur titre Highway to Hell. Yeah. ou ACDC sur le 107FM. Voilà, si vous n'étiez pas tout à fait réveillé, eh bien maintenant je pense que c'est le cas. Allez, il est presque 8h44 et il est temps pour nous eh bien, de faire un point complet sur la météo. La météo. Alors, eh bien, on aura encore une journée agréable hein, aujourd'hui pour un 12 novembre. Pour l'instant, on a du soleil avec quelques nuages. De la pluie est à prévoir pour la fin de la journée. Hein. Alors, mais vraiment, en soirée et pour cette nuit, des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin. Elles seront comprises entre 16 et 18 degrés pour cet après-midi. Pour mardi matin, eh bien, on aura encore le reste hein, de la perturbation et on aura des éclaircies pour demain après-midi, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 12 et 13 degrés l'après-midi. Et pour mercredi, ce sera une journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin et entre 11 et 12 degrés prévues pour mercredi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on a beaucoup de choses à dire en ce lundi matin et on commence tout de suite avec le football et les résultats de la Ligue 1. Lille et Strasbourg ont fait match nul 0 partout. Lyon s'est imposé 4 buts à 2 à Guingamp. Angers s'est imposé 1 but à 0 face à Montpellier. Nice s'est imposé 1 but à 0 sur la pelouse de Nîmes. Saint-Etienne s'est imposé 2 buts à 0 face à Reims. Amiens s'est imposé 1 but à 0 à Toulouse. Bordeaux et Caen ont fait match nul 0 partout. Marseille s'est imposé 2 buts à 0 face à Dijon. Rennes et Nantes ont fait match nul, un but partout et le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 0 hier soir à Monaco, avec notamment un triplé de Cavani. En Ligue 2, Metz s'est imposé 2 buts à 1 à Châteauroux et ce soir, Nancy se déplace à Brest. En National 2, défaite d'Épinal à Sainte-Geneviève 2 buts à 0. En National 3, défaite de Raon-l'Étape face au club de Vauban Strasbourg 4 à 1 et Thaon-les-Vosges a fait match nul à Épernay 2 but partout. En football de l'équipe de France, on va prendre des nouvelles de Paul Pogba, qui est a priori blessé. Il sera donc aujourd'hui à Clairefontaine. Il verra les médecins de l'équipe de France et on saura à ce moment-là s'il sera forfait pour les prochains matchs de l'équipe de France. Et en football féminin, la France s'est imposée ce week-end 3 buts à 1 face au Brésil. Un mot de basket avec les résultats de Pro B et la très belle victoire de Nancy face à Vichy Clermont, 88 à 52. En National 1, défaite du Jet Vosges à Besançon 71 à 70 et en National 3 défaite de Mirecourt à Nancy 2 75 à 63. Un mot de hockey sur glace avec les résultats de la D3 et nouvelle victoire pour l'EHC 6 buts à 1 à Boulogne-Billancourt. Et en équipe nationale, l'équipe de France masculine s'est inclinée face à la Lettonie 4 buts à 1 mais s'est imposée ce week-end face à la Slovénie 3 buts à 2 après les tir au but. Et côté féminin, la France s'est inclinée après prolongation face à la Norvège avant de s'imposer après 6 buts à 0 face à la Chine. La France termine 5e de ce tournoi. En tennis maintenant, le Next Gen ATP Finals a été remporté par Tsitsipas qui a battu en finale Demi-Nord. A débuté hier l'ATP Finals, le Master à Londres où Anderson s'est imposé en 2-7 face à Tim et Nishikori s'est imposé en 2-7 face à Federer. Aujourd'hui, Zverev affrontera Cilic et Djokovic sera opposé à Isner. Et à noter que la Fed Cup opposait donc en finale la République tchèque aux États-Unis. Eh bien, victoire des Tchèques face aux Américaines 3 à 0. Un mot de cyclocross avec la Coupe de France où Steve Chenel a terminé 6e, Yann Gras 8e. Un mot de cyclisme avec Pauline Ferrand-Prévot. Un des plus beaux noms hein, du cyclisme féminin, eh bien, ce sera la nouvelle recrue de l'UC Remiremont, hein, le club de vélo hein, de Remiremont. Eh bien, voilà, un très bel recrue hein, pour le club, je vais y arriver, cycliste Romarie Montin. Un mot de rugby avec la tournée d'automne et la France un peu se mordre les doigts. Elle a mené cette rencontre face à l'Afrique du Sud, mais au final, elle s'est inclinée 29 à